3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour. La saison est cette fois-ci over, fini, finito. Y a plus, c'est fini. Mais on est encore là, on est encore là. Parce que vous le savez, il y a toujours beaucoup de choses à se raconter quand on parle des New York Knicks, quand on parle de NBA, quand on parle de basket, quand on est passionné finalement. Les saisons s'arrêtent, mais la passion elle continue. Et l'actualité, bah, y en a toujours un petit peu. Et pour parler de l'actualité, sur KNF TV, dans le programme Avenix Week, c'est encore un Avenix Week, oui, il y a qui aujourd'hui? Bah, il y a moi, et il y a Seb, et ouais, ça va Seb? Enfin, ça va. Bah oui, ça, bah oui. On fait aller. Hein. Ouais, bah ça va, oui, bah la santé, tout ça, ça va, c'est sûr. Après, bon, ça fait toujours bizarre de se dire que bah, on verra plus les Knicks jusqu'en octobre, que c'est, voilà, que c'est terminé, qu'on aura suivi, assidûment toutes les nuits cette équipe, qu'on aura été derrière. Bon, ça passe à pas grand chose. Il aurait resté encore un match si on avait dû remporter le sixième, mais disons que c'est surtout de se dire que c'est fini, on verra plus les Knicks jouer. Ça y est, on va rentrer dans notre période un petit peu de sevrage, il va falloir attendre, mais on avait perdu un petit peu de cette habitude de jouer jusqu'en mai, donc faut quand même qu'on réalise aussi la chance qu'on a pu avoir cette saison, cette post-season aussi. Et puis rassurez-vous, on va encore être là, hein, parce que comme je le disais, la passion elle s'arrête pas. Vous savez qu'on peut parler pendant des heures, qu'on peut raconter plein de choses. Nos analyses, ça vaut ce que ça vaut. Nos réactions, ça vaut ce que ça vaut. Mais on va pas vous lâcher comme ça. Donc voilà, avant les grandes vacances, avant l'été, rentrer à fond dans la période estivale, on va encore avoir quelques contenus à vous proposer, quelques rendez-vous avant le pool de la donner. Voilà. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, KNF TV, c'est encore actif. Oui. Allez, on perd pas plus de temps. Il y avait quand même 3 matchs la semaine dernière. Oui, 3 matchs. De toute façon, il pouvait pas y en avoir plus. Au mieux, il y aura eu un quatrième cette semaine. Vous le savez, il n'y en aura pas. Voilà, spoiler. Pour ceux qui veulent arrêter la vidéo là, vous pouvez. Pour ceux qui veulent voir un petit peu ou écouter ce qu'on va raconter, on lance le jingle et on en parle tout de suite. Allez, c'est parti. On regarde ce qui s'est passé sur les 3 matchs de la semaine dernière. Eh ben ouais, cette fois-ci, les Knicks sont éliminés. On le savait, on avait fait une édition spéciale quand les Knicks avaient passé le premier tour, avaient éliminé les Cleveland Cavaliers. On était bien contents de pouvoir enfin retourner à un second tour. Et puis, on avait l'adversaire du Miami Heat qui nous attendait. Un adversaire qui était loin d'être à sous-estimer. Hein. Alors, on parle, la formule dit « ne sous-estimez pas le cœur d'un champion ». Le Miami Heat, ça fait un petit moment qu'ils ne sont plus champions, certes, mais c'était quand même en finale de conf l'année dernière, ils étaient quand même premiers de la conférence Est. Donc, une saison régulière, 8e, mais un petit peu de faux-semblant. Ils n'ont pas été réguliers, ils ont eu des blessures, ils n'ont pas trouvé de rythme. Ils ont quand même tapé les Bucks au premier tour, voilà, avec un formidable Jimmy Butler, et c'était clairement pas un cadeau de les affronter au second tour. On était menés 2-1 au début de la semaine dernière, il faut s'en rappeler. Hein. Ils avaient, dès le premier match, pris l'avantage du terrain, comme quoi ça compte aussi de pouvoir prendre et démarrer bien une série. Il s'était incliné sur le deuxième match sans Jimmy Butler. Julius Randle était revenu. Voilà, je fais une rétrospective 2 semaines en arrière. Et puis, on était parti en Floride. Ils avaient retrouvé Jimmy Butler. On avait toujours Julius Randle. Mais on s'était incliné sur le match 3. Et cette semaine, on le démarrait. Enfin, la semaine dernière, on l'a démarré avec le match 4, le deuxième match à Miami. Le match 3, ça avait été moche, ça avait été sale, ça avait été un blowout. Clairement. L'envie, on pouvait se questionner sur l'envie des joueurs lors d'un match de type blowout. Là, sur le match 4, on espérait une réaction, on souhaitait une réaction, on avait pronostiqué une réaction pour certains. Moi, en l'occurrence, je suis passé à côté de mon prono. Toi, plutôt, Seb, tu t'as été placé plutôt pour une victoire du Heat. C'est ce qui s'est passé dans un match 4. Voilà, qui était plus accroché. On parle pas de blowout, on parle d'une équipe qui a plutôt mal démarré, hein. Bon, c'était pas une nouveauté, mais qui s'est accroché, qui à la fin du premier quart-temps, le match était encore tout à fait prenable, tout à fait à la portée des New Yorkais. Un second quart, par contre, qui a fait la différence, comme souvent dans cette série, je serais tenté de dire. J'allais dire un peu l'histoire de cette série, quoi, le second quart-temps. L'entrée, on va dire, plus de responsabilités données à la seconde unit, même si la seconde unit, on sait qu'elle était assez Décimé. courtement vêtue. Mais voilà, c'est à ce moment-là que l'écart se commence à se faire par Miami et les Knicks qui vont courir derrière le score pour le reste du match, qui vont s'accrocher, qui vont revenir à 2 points, qui vont faire des runs par-ci par-là. Voilà, le Heat qui était en pleine possession de ses moyens, avec un effectif qui est mis à contribution sur pas mal de joueurs, et les Knicks qui vont finalement devoir s'incliner sur ce match 3, Et 3, pour 4, pardon. pour ce match 4, il y avait la réintégration. Il y a eu plusieurs faits. Il y avait la réintégration de Grimes dans le 5. Tout à fait, on en avait parlé sur quels pouvaient être les ajustements que pouvait proposer Tom Thibodeau après un blowout au match 3. Certains nous avaient dit, oh, faut miser sur Evan Fournier, vous n'avez pas de 3 points, c'est un joueur qui sait shooter à 3 points. Bon, on avoue qu'on n'y croyait pas tellement. Pour un Non. joueur qui n'était pas dans le rythme de la compétition, c'était voilà, une pièce en l'air. Pourquoi pas en seconde unit, mais c'est pas ça que Thibodeau a fait comme choix. Il a fait le choix de revenir à la formule qui avait marché en saison régulière. Il a fait le choix de revenir sur la formule de Quentin Grimes dans le 5 pour pourquoi pas essayer d'étirer un petit peu le jeu tout en apportant encore de la défense et repositionner plutôt Josh Hart en Et seconde unit. le second fait, c'était l'absence de Kutli. Alors, il se blesse sur la fin. Je sais plus, il joue sur le. Il joue pas sur Je sais plus si sur c'est le sur le game match. 4. J'ai un doute. C'est le match Là, 3 ou le 4 où il se blesse. j'ai D'accord. la fiche sous les yeux et les sorties de banc sont Toppin, Hartenstein, McBride et D'accord. Hart. Donc, c'est sur le match 3. Autant pour moi que Quickley se blesse. Bah, on rate, Cette ouais, on rate, série, on rate, cette on série, rate elle est Quick. fraîche, mais il y a des trucs qu'on a eu envie d'oublier ou qu'on a Ouais, oublié quelque ce temps. match 4, heureusement que j'ai la fiche ESPN sous les yeux, parce que c'est vrai que vu qu'il y a quand même pas mal de matchs, pas mal de choses, il y a des choses qu'on a tendance à un peu zapper. Mais en Des matchs effet, intenses pour moi aussi, je t'avouerais et pas mal que de choses. je pensais que Quickly n'était plus là sur les deux derniers matchs et pas sur les trois. Mais ouais, non, Donc ouais, là, il était il a privé. manqué, mais il y avait quand même un peu de rotation. Ça s'est compliqué sur les rotations sur le match d'après. Mais voilà, il y a un match qui a accroché. Malheureusement, si les Knicks avaient pu jouer comme ça au match 3, peut-être que voilà, on aurait pu en prendre un des deux à Ah, l'extérieur. bah, c'est vrai que les trois derniers matchs au niveau de l'intensité, c'est pas la même que sur le début de la série, quoi. Enfin, c'est Bah surtout on ce était. blowout. Ce blowout Ah qui est le seul hein, de la série, hein, faut le oh, dire. oui. Autrement, c'est une série qui a été accrochée, il y a eu de la bataille. Même si voilà, tous les joueurs ne se sont pas investis en énergie de la même façon. Mais voilà, il y a quand même eu des matchs où ça, il n'y avait pas beaucoup de scoring. Hein, on n'a pas fait des gros gros scores. Non. Et il y a quelques possessions d'écart à la fin des matchs. Donc voilà, il n'y avait pas un écart de niveau dans les scores. Dans les scores, dans la façon de jouer, clairement, on a un joueur qui est plus en isolation, qui est plus stéréotypé sur le jeu des Knicks, alors que c'est un jeu beaucoup plus collectif de la part du Miami Ben, Heat. disons que sur la série, il y a que nous qui avons dépassé la barre des 110 points. Sinon, ça s'est toujours joué en dessous des 110 C'est points, quoi. dire. C'est dire. Mais voilà, c'était peut-être du basket à l'ancienne. C'était du basket où chaque En fait, pour possession se gagner, en fait, c'était méritait, chaque simple. détail comptait. C'était simple, en fait, pour gagner cette série, il fallait marquer plus de 110 points, tu gagnais. C'était simple. Bah mince alors, on aurait dû savoir Ben, les règles du Tib, jeu avant. merde. Bon. Bon, en tout cas, voilà, bah, on en rigole, mais voilà, au moment où les Knicks devaient retourner à New York, devaient retourner au Madison Square Garden, ils étaient menés 3-1. Clairement, ça sentait le roussi. Voilà, est-ce que le Miami Heat allait être en capacité de pouvoir voilà, vraiment faire un gentleman sweep avec un 4-1? Voilà, on avait peur de ça, surtout que. Oui, il y avait du mieux, mais pas suffisamment pour pouvoir s'imposer. Et on le sait, en playoff, il faut savoir gagner à l'extérieur. Au final, on connaît le score de la série et il n'y a qu'une équipe qui a gagné à l'extérieur, c'est le Miami Heat et c'est eux qui se sont qualifiés au final. Donc là où la mission sur 2 matchs à Miami était de gagner, le blowout, il était fait, voilà, il était derrière. Ce match 4, bah, il était accroché, mais pas suffisamment La pour que réaction les était Knicks. bonne. La réaction était bonne, mais Il y a eu réaction, t'arrives il y a pas à eu le. aussi polémique, forcément, après ce match, parce que il y a eu, comme souvent en saison, et comme assez souvent aussi sur ces playoffs, des actions isolées, des séquences où un Julius Randle a été nauséabond dans l'attitude, dans l'investissement, dans le retour après des pertes de balles, dans les gestes, ah, je lève les bras, machin. Donc, je vais pas, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne vais pas dire. Oui, Julius Randle a fait de mauvais playoffs. Et sur ce match-là, il y avait des séquences où il était exécrable. Dans les déclats Ça aide pas. d'après-match, Et sur cette voilà. fameuse déclat d'après-match qui a beaucoup fait parler en Bah disant ouais, moi la ça me tête dans le gêne sac, toujours ouais, les d'entendre. gars, ils avaient peut-être plus envie que nous. C'est ça, moi ça me dérange toujours d'entendre ça parce que Mauvaise formule, mauvaise on formule. en parlait en off tout à l'heure et c'est vrai que ça en fait ça tu donnes le bâton pour te faire battre en disant ça, ils en voulaient sûrement plus que nous. Il y a Là peut-être une part de vérité. Il y a peut-être une part de vérité, mais c'est T'as pas le envie de lui message à faire répondre, passer, quoi. ben non, mais tu peux pas le dire quand tu es un joueur professionnel qui est en playoff, quoi. Tu peux pas le dire. Tu dis oui, dans l'intensité, ils ont été un peu plus forts, ou leurs ajustements étaient meilleurs, ou machin. Mais ne dis pas, ils en voulaient sûrement plus que nous, parce que ça veut dire, ben en fait, ben, t'étais pas T'as pas motivé, envie de quoi. T'avais gagner. T'as pas envie de gagner ou tu t'avais t'es pas pas autant focus comme il gagné qu'eux, fallait. quoi. Donc qu'est-ce que. Et ça, c'est dérangeant. Ça, tu veux pas. On était tombé à juste titre sur Jarrett Allen après la série contre Cleveland parce qu'il avait dit ça. Et tout le monde un peu s'était foutu de lui en disant bah regardez, super l'attitude de loser, et ça c'est All-Star et machin, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On a la semaine suivante, on a Julius qui nous fait la même chose. Et là, non, c'est pas possible, tu veux pas dire ça. Quand tu es un joueur professionnel, que quand tu es. Entre guillemets, parce que je pense que les statuts vont changer ou ont déjà changé. Le franchise player de l'équipe, quand tu es un mec autant important, All-Star, All-NBA, on en reparlera, tu peux pas dire ils en voulaient sûrement plus que nous. C'est désastreux. C'est En désastreux. termes de leader, en termes de leadership, c'est pas bon du tout. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On est d'accord. Il faut plutôt mobiliser ses troupes, mobiliser ses gars. Il faut aussi être exemplaire sur le terrain. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas tout le long des matchs. Par séquence, il y a des séquences où il y a de l'effort. Il y a des séquences où il n'y a pas d'effort. Il y a des séquences où le jeu offensif, il va nous aider. Des séquences où il va plutôt abandonner l'équipe. Donc voilà, on aura l'occasion de faire le bilan de Julius Randle. Vous inquiétez pas, on va pas faire une émission spéciale Julius Randle parce Non, que non, non. sinon, elle va durer 2 heures. Et on a aussi envie de parler des autres matchs. On a envie de parler du reste de l'équipe Mais parce que disons que ça voilà, reste du 5-5, ça reste un sport d'équipe. sur ce match Mais 4, sur ce match 4, on attendait une réaction. Il y a eu réaction, il n'y a pas eu la victoire, mais il y a eu réaction. Voilà, il y a eu. Voilà. Il y a eu réaction. Est-ce que c'était suffisant pour aller maintenant s'imposer, sauver sa peau? Est-ce que c'était un dernier baroud d'honneur au Madison Square Garden? Moi, je pensais un peu. Le hit n'est pas venu pour juste faire du tourisme, pour Ah visiter non! tout ça. Clairement, ils avaient l'intention de finir la série. Il faut pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et le Heat avait clairement pas une attitude où, ouais, bon, au pire, on perd, mais de toute façon, on rentrera à finir le boulot à la maison. Clairement pas. C'est un match qui a été accroché. On n'avait toujours pas Quickley, ça on l'a vu. On a eu un Josh Hart qui a rapidement sorti de son match aussi parce que des fautes. Parce que des Que des fautes. Alors fautes. Josh Hart, voilà, des fautes. Josh Hart, il a peut-être un peu la tête ailleurs aussi. On va en parler après. Mais voilà, en tout cas, du coup, les rotations qui étaient déjà courtes, voilà, Thibodeau, il s'est dit, Oh bon, moi bah j'envoie mes t'as Josh gassures. Hart à 9 minutes, McBride à 1 minute, et voilà. Et après t'as ton banc, on sait que Et on a Topin il joue ses un duo à 12-15 48 minutes minutes. et. On a un duo à 48 minutes avec Et puis t'as un Brunson duo et à Quentin 48. Grimes. Voilà. Énorme, énorme. Voilà, ils ont vraiment tout donné sur ce match-là, dans leurs registres respectifs. On se rappelle et on se remémore de cette action où, en fin de match, un peu, Quentin Grimes se cogne le genou contre je ne sais plus qui, si c'est Bam Bah, ou je contre ne sais BAM. quel. Code Bam, bah oui, bim bam boum. Bam, monsieur, je pose des écrans, et bon, bref. Voilà, et donc il tombe, il se fait mal, mais il se relève et il va intercepter le ballon. Et il va Donc piquer la balle clairement. dans les mains de Butler, quoi. Clairement, l'envie, là, elle était là. C'était peut-être un peu le dernier cri du désespoir de vouloir ne pas mourir chez soi, de pas rendre les armes, déposer les armes à la maison. Pas deux On a fois à la eu. maison, quoi. Ouais, c'était pas possible. Le Garden était présent, le public a vibré, on s'y Mais ce attendait. match était étonnant Le parce match était que accroché, hein. Match accroché, hein. ce match était étonnant parce que tu prends un éclat, tu perds de 10 au bout du premier quart-temps. En L'équipe plus, en revient plus. malgré tout. Deuxième Il y mi-temps, a un gros run en début de deuxième quart. de troisième quart, Dans le deuxième aussi. et tu Là où leur on a dit les deuxièmes quarts, on met la seconde unité, et puis là, l'équipe plonge. Bah là, c'était l'effet inverse. Ah, non, mais on est à moins 10 à la fin du premier quart, et le deuxième, on fait le run qui va bien pour se relancer. Et oui, on revient dans le match. Troisième quart-temps, tu reviens avec des meilleures intentions, tu fais un écart, tu fais un pet. Je crois qu'on est à plus 17 ou un truc comme ça, plus 18, un truc comme ça. Et puis, là, tu sais pas, d'un coup, ça revient, le hit ronge au fur et à mesure, boum, boum, boum. Et Duncan Robinson qui nous a mis quelques filoches. Voilà, il y a un moment, effectivement, on a commencé à se dire, oh, les Knicks sont en train de jouer avec le feu. Est-ce qu'ils ils ont pas tout donné, est-ce qu'ils sont pas cramés? Au rayon cramé, le hit, forcément, vous voyez le jeu de mots, et au rayon cramé, Jalen Brunson, il était toujours pas sorti, quoi. Il était toujours pas sorti. Il y a un moment où c'est McBride qui est rentré 30 secondes, mais c'était pour éviter que R.J. Barrett prenne une troisième faute. Donc, Brunson, il était là tout du long, et il a tenu la baraque, avec des paniers plus improbables les uns que les autres. Et au final, on a quand même, sur ce match-là, un big three qui fait le boulot, quand même. Finalement, voilà, quand même dans le quatrième quart, on arrive à quoi on malgré le fait qu'ils sont revenus. Moi, à ce moment-là, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est de leur côté, ça se finit. Et on non, pas l'équipe serein. Ouais. Et finalement, dans l'équipe, c'est accroché, comme tu dis. On a eu un très grand Grimes en défense, qui a été très bon. On a eu un Brunson à la baguette. On a eu voilà quoi, une équipe qui où nos trois stars entre guillemets ont répondu présent. On emporte ce cinquième match important parce que il nous maintient en vie. On perd pas à la maison. On retourne à Miami avec cette fois-ci d'autres intentions et pourquoi pas décrocher un match 7 au Garden et là. Ça aurait été notre paire de manches, quoi. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. On va revenir sur ce match 6, mais juste un dernier truc. Effectivement, moi, tout ce match, j'ai pas été serein. Encore moins quand on est à moins 10 à la fin du premier quart, quand on revient super. Mais bon, je sais plus à combien de points Jimmy Butler est limité. Je sais pas si c'est pas 19. 19, donc sur ce match... 5 sur 12 au tir, mais 11 lancés francs. Voilà, donc on parlait du beau travail de Quentin Grimes pendant 48 minutes. Voilà, c'est dans les faits. Alors peut-être que oui, il y a des shoots qu'il aurait dû mettre, mais il y a quand même aussi un travail défensif qu'il faut souligner. Et un autre fait un petit peu marrant, un peu qui n'était pas vraiment de tout repos à ce moment-là du match, c'est le hack Mitch. Coach Spoelstra qui s'est dit, bon allez, à un moment, de toute façon, Mitch Robinson, c'est un mauvais au lancer franc, je vais faire faute, je vais l'envoyer sur la ligne, on va récupérer la balle. C'était voilà. Le moment en fait où c'était un petit peu, ça se jouait à un fil quoi. Tout ne tenait qu'à un fil à ce moment-là, facile. Et Spoelstra, pour moi, a fait le move un peu qu'il fallait tenter quoi. C'était... Tactiquement, ça se tentait. Mitch nous a fait du 50% sur ses passages. Ouais, sauvé. Il a mis ses premiers lancers. Le Garden était wow, super Mitch. Bon, voilà. Mais ouais, il a fait sur deux séquences le hack et puis il a arrêté après. Ouais, après, on a remis Hartenstein dans les deux dernières minutes. Voilà, c'était fini parce que sinon, c'était retour de possession Onyx. Mais voilà, en tout cas, il y a eu un coup tenté par Spoelstra. Donc, comme quoi, le hit était bienvenu pour le hit était bienvenu et ils avaient bien ciblé aussi ce que nous, on disait. C'est-à-dire que les lancers francs de Mitch, il te lance la patate, quoi. Et ça, il avait bien compris. Et comme tu dis, ouais, non, ils étaient... De toute façon, clairement, s'ils avaient pu nous éliminer à la maison, évidemment... Ils s'en seraient clairement pas privés, quoi. Ah ben non. On rappelle, ils se sont imposés 4-1 face aux Bucks. Donc, ils ont été gagnés un match 5, voilà, pas chez eux. Donc, attends, si, c'était où ce match 5? Bref, ils n'ont pas eu de problème. Mmh. Oui, c'était à Milwaukee, donc ils avaient clairement le killer instinct pour pouvoir... Oui, puisqu'il leur fait revoir Butler de leur salle à Milwaukee. Ouais. Retournez au vestiaire, allez hop, c'est fini. Bon, retournez au vestiaire, non, les Knicks sont retournés en Floride pour un sixième match. Il n'y avait toujours pas de IQ, on se disait, bon, est-ce qu'il va y avoir un contre-coup, parce que 48 minutes dans les pattes pour Grimes, 48 minutes dans les pattes pour JB, ça va être compliqué. Et bien là, à contrario du scénario du match 5, le match 6, les Knicks démarrent plutôt bien. Les Knicks sont plutôt en tête à la fin du premier quart. Donc on se dit, pourquoi pas. Brunson, assez rapidement, va se montrer en adresse et est en capacité de mettre des points. Ça, heureusement qu'on avait un JB. Et sur le premier quart, on a un RJ qui ne met pas forcément dedans. mais qui provoque beaucoup de fautes. Et qui a au lancer franc et qui termine à 8 points, je crois, à la fin du premier quart. Il finit là avec 8 points à la fin du premier quart, il finira avec 11 points à la fin du match. Voilà. Mais donc il a mis l'énergie, l'impact qui permettait d'aller chercher des points, mais même si c'était pas en mais c'était direct. Pas mal. Mais c'était pas mal parce que justement, ça, déjà d'une, ça amenait des fautes, et de deux, il a été extrêmement adroit sur cet exercice. Donc c'était plutôt pas mal. Après, judicieux. Dommage que, bah, comme à peu près tout le monde, il a disparu au fur et à mesure de la rencontre. Mais j'avais bien aimé son premier quart agressif. Et c'était dommage, quoi. Ça venait faire le lieutenant à JB. Donc sur le coup, on s'est dit, et si les Knicks allaient le chercher. Bon, les Knicks, oui, mais les Knicks se sont fait rattraper. Petit à petit, le 8 ouais. est venu grappiller leur retard. Il y avait bien sûr tout le public qui était derrière eux. C'était un match qui était tendu, qui était compliqué. Un Brunson qui est retourné un petit peu sur le banc, parce qu'un Brunson qui a pris des fautes aussi. Je sais plus si c'est au début du deuxième, ou enfin bref, il prend assez vite sa troisième faute. Ouais. On se dit, bon, voilà, un forcément... Un peu chelou les fautes sifflées contre lui, hein. Un ouais, petit peu ouais, chelou. Ouais. On va pas mettre l'échec de cette défaite sur le non, mais dos je mets en aucun l'arbitrage. Cas l'échec. Je mets pas l'échec là-dessus. Je dis juste que quand le type est bien positionné, qu'il se fait rentrer dedans, défoncer, et qu'on lui siffle une faute, une faute défensive, alors que. Je trouve qu'il a été un peu pénalisé, un peu de façon. Voilà, un peu bizarre. Je mets pas du tout ça sur l'échec, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. À dire sur ce match 6 sur l'équipe, c'est en aucun cas Foster qui nous fait perdre le match. Je dis juste que sur certaines fautes qui ont été sifflées sur notre meneur, c'est un peu tendance. Après, de toute façon, en playoff, on le sait, ça se joue sur des détails. Ça fait partie des détails, mais c'est pas les détails les plus primordiaux pour le sort de ce match. Au final, pour essayer de résumer ce match, même si. On va venir sur la fin du match. On a eu un Jalen Brunson et on a eu les autres. Et les autres n'étaient pas au rendez-vous. Non. Les autres étaient en difficulté offensive. Les autres j'ai cru à Julius, moi, au début du troisième. Au début du troisième. On y a cru, on y a espéré parce que voilà, il y a des moments où il se met en retrait, il y a des moments où mais il va essayer d'aller un peu plus sur mastic et d'aller chercher des lancers aussi. Si on arrive à rester au contact au troisième, c'est parce que il nous rentre un gros 3 à un moment donné. Bah, d'ailleurs, le seul de son match. Je l'avais trouvé un peu mieux dans le troisième quart-temps, mais après, comme tous les autres. Comme les 8 autres de l'équipe, quoi. Comme tous les autres, il a disparu et il a non, pas parce répondu y a... à ce match. On a eu une rotation à 9, donc il y en a 8 qui sont passés au travers, enfin. Et puis malheureusement, les autres n'ont pas répondu présent et le quatrième carton était flagrant là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune note, aucun de nos joueurs n'arrivait à mettre le ballon dans le cercle. Sauf Jalen Brunson, qui lui avait dit au sortir du match 4, il faut que je joue meilleur. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Match 5, il nous marque 38 points. Et match 6, il nous marque 41 points avec des hauts pourcentages de réussite. C'est pas... Et des paniers pas faciles et des actions où il est défendu, où il y a de la prise à deux, où il y a du contact. Exactement. Clairement, Brunson, de toute façon, quand on parlera, on fera le bilan de cette saison, quand on fera le bilan de ses playoffs, on peut que lui dresser des louanges, lui donner ses honneurs sur cette saison et sur cette campagne de playoffs. Il a répondu présent dans les moments importants, il a répondu présent encore dans ce match. Après 48 minutes dans les pattes, il était encore avec un gros taux d'utilisation. 45, ouais. 45 encore sur ce match, et puis de la pression, de l'attente, enfin voilà, un match à l'extérieur. Donc c'est un joueur de playoff, ça, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On souhaite juste que la santé le permette d'en faire tout un tas avec New York. Mais voilà, il a porté l'équipe sur ses épaules, il marque quasiment la moitié des points de l'équipe, c'est juste énorme, c'est phénoménal, c'est une performance digne des meilleures performances de playoff qu'on a pu voir Onyx. Il y a eu tout un tas de classements, d'infos historiques qui sont remontés, et voilà, il se classe pour ses premiers matchs de playoff avec New York dans les meilleurs all-time de ce qui a pu exister à New York, hein. Et Dieu sait qu'il y a eu des attaquants de renom, hein. Surtout pas forcément ce match, victorieux, mais... Surtout que ce match, tu te dis qu'il ne se joue pas à grand-chose. Parce que bon, voilà, on le perd 92-96. Donc, un vrai match de l'Est. Un vrai match Ouais. de défense. Voilà, ça a été un match aussi où on a eu un joueur qui a surnargé sur la rencontre, c'était Jalen Brunson. Parce que tous les autres, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, mais si on sort chez nous, ben voilà, on a un Julius Randle à 3 sur 14 au tir, à 1 sur 7 à 3. On a un R.J. Barrett à 1 sur 10, à 0 sur 3 à 3. Un Grimes à 1 sur 6 et 1 sur 6 à 3. Donc en fait, il a fait que tirer à 3. À aucun moment, il est allé chercher autre chose. 3 and D. Bon, bah il a fait la Et D quand même un peu. en face, ben, tu as un Butler à 7 sur 22, un Adebayo à 9 sur 20, un Struss à 4 sur 11. Donc, ça a été. Voilà. On aurait eu des joueurs un tout petit peu plus adroits. Ouais, on Peut-être demandait que. pas non plus d'avoir une adresse phénoménale, mais quelques contributions autres. C'est ça. Peut-être Il qu'aujourd'hui, a on parlerait manqué pas de. grand-chose, il a manqué pas grand-chose. Peut-être Et qu'aujourd'hui, on on parlerait de la parlerait qualification et. en 7. Alors, non, parce que le match aurait eu lieu Il cette aurait été semaine, ce enfin soir? là, hein. Voilà, mais on aurait eu encore des matchs à vous annoncer. Malheureusement, ça se joue à rien. Ça Voilà. se joue aussi à des petits coups du sort, parce que il y a cette faute flagrante de Gabe Vincent sur JB en fin de match, où effectivement, bah, il y a un coup de coude porté au visage. Peut-être pas intentionnel, mais bon, voilà, elle y est. Et du coup, ça permet de redonner des ballons à 1 minute et de remettre à 4 points. Et puis derrière ça, il y a JB qui file une balle pour Hart, qui vient remettre à moins 2. Donc voilà, ça se joue à presque rien. À À la 15 fin. secondes de Oui, la parce fin que du match, on est à 2 points, quoi. le score 92-96, voilà, là, on se dit oui, 4 points d'écart, mais il faut bien se dire qu'à Non. 3 minutes, qu'à 30 secondes de la fin, on a À le 15 ballon pour égaliser. On a le ballon secondes, pour il y a égaliser. 2 points. Il y a 2 points et le ballon est côté new-yorkais. C'est vraiment frustrant. Alors, il y a cette passe, cette dernière action de Jalen Brunson. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'il nous a porté. Sur ce match, sur cette série, sur cette saison, il a été héroïque. Donc, comment lui en vouloir? Comment dire? Ah, c'est de ta faute. Ah non, Malheureusement, il y ah a une ben c'est prise lui à qui dit 2. ça. Sur cette action, il y a un mauvais choix de passe parce qu'il la remet dans la raquette où il y avait encore deux autres joueurs qui attendaient Randle. Et on avait un petit Josh Hart qui est au large. Donc c'est clairement Oui. à refaire l'action, tu refais sortir le ballon plutôt que la remettre à l'intérieur. Ah mais C'est une perte de balle qui est. Ah! On s'en bouffe les doigts. je vais être clair. Celui qui dit que cette défaite est à Non. mettre sur le dos de Brunson est un idiot. Est un idiot. Parce Voilà, c'est que. dit. Ah non, non, mais c'est un idiot, parce que on a une équipe qui met pas un On peut pas ballon dire ça. dedans, on a une équipe qui est en dedans, on a un mec qui nous porte. C'est-à-dire que sans, en fait, ben, ce gros Jalen Brunson, il n'y a pas ces 2 points d'écart à la fin. Ils n'y sont pas, ces 2 points d'écart. Alors, Non, mais oui, ok, la d'accord. réaction, c'est se dire, après tout ce que tu as fait, C'est ah ça, non, pas toi, pas maintenant. il manque un peu de lucidité. Pas maintenant, Zinedine. Mais Non, mais c'est ça, c'est là. Pas toi, pas toi. On peut pas lui en vouloir parce que, ouais, d'accord, il prend l'option d'essayer de sécuriser les 2 points. Est-ce qu'il se ressort pour Josh Hart? Est-ce que Josh Hart prend le tir à 3? Est-ce qu'il s'avance? Est-ce qu'il va chercher On un saura mid-range? pas, on saura On jamais, on saura saura jamais. jamais. La chose est qu'on perd la balle. Bon, on perd la balle, on perd le match, on est éliminé. Mais on peut pas lui en vouloir. Mais moi, ce match 6, c'est pas là-dessus pour moi qui se joue, ce match 6. Ce match 6, il se joue sur notre 28% à 3 points. Et encore, ils sont sauvés par le 5 sur 10, par le 5 sur 10 de Brunson. Mais sinon, ce match, il se joue sur le 38% au shoot. 38% au shoot. 38% au shoot. C'est énorme. 38% au shoot. Pour moi, il se Et joue cette pour défaite et sur pour le 1 sur et 10 pourtant on de n'était pas RJ. loin. Pour moi, il Et se joue pourtant on sur n'était le pas 1 loin. sur, 1 sur 10 de RJ. Il se joue sur le 3 sur 14 de Julius. Il se joue là, le match. Ouais. Il se joue pas sur cette passe à 10, 15, 20, 30 secondes de la fin qui nous permet d'égaliser. Il se joue pas là, le match. Il se joue pas là. C'était avant effectivement qu'il fallait le gagner. C'était avant qu'il aurait dû avoir un peu plus d'efforts pour et un peu plus de réussite et un peu plus de coaching, un peu plus de plein de choses finalement. Finalement, un peu un sentiment de si proche, si loin. Il a manqué des choses sur cette série. Sur cette série, au final. Hein, parce que oui, c'est sur ce dernier match que l'élimination se fait. Il y a eu des regrets. Il y a eu des regrets sur cette série. Il y a eu des regrets sur ce match, sur cette action, sur plein de choses, sur certains joueurs. Mais à la fois, un mélange de sentiments. Parce qu'il y avait de la fierté d'être arrivé voilà, à titiller ce hit. d'avoir un joueur comme Jalen Brunson qui a porté cette équipe. Donc c'est vraiment, voilà, c'était un mélange de sentiments entre de la frustration, de la fierté. Il y a eu du stress sur ces matchs. C'est ça les playoffs aussi. C'est ça les playoffs. Ah ben Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça en playoffs. c'était Parce une vraie que oui, série. il y a 2 ans, on est revenu. Mais c'était trop court. On n'a pas existé dans ces playoffs il y a 2 ans. Là, il y a eu vraiment une équipe des Knicks qui a été compétitive. Avec ses armes, avec son jeu, avec sa qualité, ses défauts, sa jeunesse, ses têtes de mule, ses mauvaises déclats. Il y a eu tout ça. C'est ça les playoffs. Mais du coup, c'était quand même une belle campagne. C'est dommage, il n'y a pas de happy end. On aurait aimé se glisser encore en finale de conf. Hein. Ça fait plus de 20 piges que les Knicks n'ont pas été champions de conf, c'est sûr, mais n'ont pas été se glisser en finale de conf. On a vérifié, c'était en 2000 la dernière fois. On avait le sentiment que c'était pas loin, c'était Et puis possible, c'était il faut peut-être voir jouable. qu'on sort avec un bilan positif de ces playoffs. Au final, oui, parce qu'on gagne Sur les 4-1 11 et on perd 4-2, donc. matchs, on finit en 6-5. Ouais, mais on finit. Bon, de toute Mais on façon, finit. très très peu avaient parié. Hein, j'espère que pour vos finances, vous n'aviez pas trop parié sur des Knicks champions. Vous auriez été fortuné peut-être à cette heure-ci si les Knicks avaient fini champion NBA. Mais voilà, c'était de toute façon, on savait qu'il y avait un plafond, que l'équipe a overachieved, comme on dit là-bas aux États-Unis, a surpassé les attentes. Mais en même temps, on se dit, ah, il y avait une opportunité, c'est dommage de ne pas avoir réussi à la saisir. Et il faut donner du crédit au Heat qui a très bien manœuvré sur cette série, qui ont des joueurs qui ont d'expérience du métier, des Kylori, ça pèse énormément sur quelques actions par-ci par-là. Kevin Love aussi, Bam Adebayo, voilà, il a su monter en régime dans ses playoffs. Jimmy Butler, on n'a pas eu un Jimmy Butler, Jimmy Buckets qui a découpé les Bucks, mais voilà, ils savent faire, ils connaissent le chemin. Les Knicks sont en apprentissage, Et à voir si la saison prochaine. un coach Et un coach qui fait partie des meilleurs coachs qui sait faire all-time de les, la. De, hein? qui sait faire les bons choix quoi. Un coach Et qui sait faire puis. les bons choix et qui Ouais. sait prendre à un moment donné des décisions, qui sait s'adapter, s'ajuster vis-à-vis de l'équipe qu'il a en face. Et même si voilà, comme il l'a reconnu, il n'a rien pu faire face à Contre Jalen Brunson. Brunson. Voilà quoi, il est arrivé à éteindre les autres ou à les limiter ou donc voilà enfin c'est cette série était pas était très compliquée au sortir du truc enfin au sortir du hit contre les Bucks parce que voilà ils sortaient donc du play-in tournament. Ils arrivent là ils avaient passé un play-in très compliqué, ils perdent contre Atlanta, ils gagnent Chicago. Ils arrivent un peu en position de victime préférée, presque du Bucks, que tout le monde place en tant que favori, et moi-même. Il y a ce fait de jeu dès le premier quart-temps où tu as Giannis qui se blesse et c'est plus du tout le même match. N'empêche qu'il faut les gagner et ils l'avaient fait. Même si après, derrière, Gianni revient, ils finissent quand même le job, et puis en plus d'une grosse manière parce que le match. 4-1 avec un match Le match royal 5 de est Butler. fou. Le match 5 est fou. Vraiment, les 5 dernières minutes plus la prolongation du match 5 sont dingues. Et ils le gagnent et ils le volent à personne. Et ils arrivent là face aux Knicks où, voilà quoi. Nous, on va proposer autre chose. D'ailleurs, on leur a posé plus de difficultés. Mais de Parce que, rien, on on va en est. 4-2. 4-2, Oh, c'est mieux que 4-1. déjà on va à 4-2, puis même les matchs sont plus accrochés, ça. Hormis un blowout, sinon ça s'est toujours joué, voilà quoi, sous les 8, 5 points compliqués quoi. Les dernières Clair. possessions sont à chaque fois très importantes, hormis voilà, si on occulte ce match 3, toutes les autres rencontres, ça s'est joué toujours sur les 5 dernières minutes, donc très très compliqué. On montre un beau visage. Maintenant, on paye un manque de profondeur de banc que eux ont eu. C'est-à-dire que eux, ils te sortent un Cody, c'est un Caleb Martin. Tu sortes un Caleb Martin, donc que le mec fait des bons playoffs. Ils te Un sortent un Duncan Kyrie, Robinson, un un Gabe Duncan Robinson. Vincent, des vétérans qui apportent. Ouais, Et il voilà. manque des choses. Et Il manque des choses. Un fond de et nous jeu. le Un fond de et nous jeu. le Ils problème ont un c'est fond de jeu que qu'on n'avait pas. Et nous, le problème, c'est que nous, nous, on sort, pas des mecs qui vont arriver d'un coup sur un 3-5-5, ou enfin, nous, on va sortir un Taupin, mais on sait quand il joue, et on sait quand il joue pas. Parce que les rotations sont ainsi établies, donc bah, tu sais que Topin il va jouer un peu au début Certainement. du 3, au début du deuxième quart, et un peu au début du quatrième Au 4. quart, et après tu sais que c'est fini. Et Hartenstein, Robinson, bah, ça dépend plus De des faute. fautes que va prendre Mitch au fur et à mesure de la rencontre. Et un Hart, voilà, bon, bah, ça c'est quand même plus fluide au niveau de la rotation. Mais les rotations sont vraiment très chronométré, c'est du papier à musique, voilà, c'est Ouais, tac tac tac tac c'est tac tac. lisible, très visible, lisible. Ça n'a pas Complètement. été surprenant pour Spoelstra de s'adapter à tout ça, quoi. Alors que tu regardes bah, sur le match sur le Heat, alors je vais pas je un coup il te sort du Ice Smith. Un coup, ben, tu vas avoir ben, avec un Duncan Robinson à 11 minutes, mais sur le match suivant, tu vas avoir un Duncan Robinson à 22 minutes. Tu vois? Parce que d'un coup, ben, il s'aperçoit que le mec est chaud et qu'il nous assassine à 3. Ah, laisse-le, hein. Ouais. Après, tu vas avoir pareil, tu vas avoir un Cody Zeller qui va être à 9, mais sur le match d'avant, qui va être un peu plus haut. Bref, on a un coach qui est excellent. C'est tout. Et qui coach. Je sais que des fois, je ne mets en rien, voilà, la responsabilité de Thibodeau sur cette défaite, parce que ben, sans Thibodeau, on ne serait pas en playoff. Il en a une part de Après, responsabilité, comme tous les acteurs de ce comme tous jeu. les, exactement, comme tous les joueurs, il a sa part de responsabilité. Maintenant, à quel niveau du pourcentage, quelle part du camembert est la plus Ah, le grosse par rapport à lui? curseur, ouais. Mais on a un coach qui est un meneur d'hommes, c'est un véritable meneur d'hommes, c'est un capitaine. C'est-à-dire, c'est un mec qui va crier, faut jouer dur, faut jouer dur. Est-ce que c'est coaché en 2022, 2023, pardon? Est-ce que c'est ça coaché en 2023? Crier, faut C'est pas jouer que dur, faut ça. jouer dur. C'est pas que C'est ça. pas On que sait qu'en ça. playoff, il faut de l'intensité et sans Bien sûr. intensité, on Et l'a vu au en match face, 3, ça passe pas. on a un Spoelstra qui, lui, bah, analyse le jeu. Je dis pas qu'il analyse pas le jeu, Thibodeau, parce qu'on sait que le mec ne vit que pour le basket. Mais en face, on a un mec qui peut être dans l'approche tactique et plus un tacticien que peut-être qu'un meneur d'hommes qui va peut-être chercher auprès des joueurs, tu vois. Il a des Haslem, il a des Butler, il a justement des Brunson. vétérans qui vont. Ouais, non, mais il a des vétérans qui vont porter la voix, tu vois. Ouais. Qui va. Non, Lui, mais on peut-être. oppose souvent des fois les vétérans aux jeunes. Thibodeau, faut à un moment donné aussi lui donner du crédit sur le fait qu'il a plutôt privilégié les Grimes, les Quickley par rapport à des Ah Fournier ou oui, des mais il a D-Rose. eu Mais raison. voilà, Le globalement, on a quand classement de même un saison régulière le coach qui prouve. est. Tout à fait. Et puis si on en est. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il a trouvé des solutions pour arriver aussi loin. On a quand même un coach qui est plus stéréotypé côté Thibodeau et un coach qui est clairement plus en maîtrise d'un jeu collectif côté Heat. Et à un moment donné, c'est ça aussi qui fait que la force du Heat, et c'est pour ça qu'ils se sont qualifiés et qu'ils vont faire une troisième finale de conférence en 4 saisons. Eh Donc à un ouais. moment, il faut aussi se rappeler de ça et de se rappeler d'où partent les Et Knicks, 11e la saison là, dernière et en playoff vite fait expédié il y a 2 ans. par contre, ça serait bien que tu me rendes ma DeLorean, parce que là, on part tout droit en 2020 là. Oh non, j'espère pas, j'espère pas. On va pas partir en 2020, on va pas prendre, nom de Que les Dieu, mêmes playoffs là, cette c'est les mêmes DeLorean. demi-finales de conf là, les mêmes finales de conférence pour tout le monde. Oui, effectivement, c'est un petit goût de bubble, un petit goût de Ah Mickey. oui, Mais forcément. bon, on verra si le dénouement est encore avec un titre des Lakers. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce qui va se passer dans les petit moment, ou qu'est-ce qui s'est passé aussi qu'on a peut-être oublié dans l'actualité Knicks sur la deuxième partie de cette émission. Allez, on passe le jingle et on regarde les petites autres infos. Et ouais, ça y est, on est passé ou on va passer en mode à The Knicks Summer. Bah ouais, ça y est, la saison c'est terminée, on vous l'a dit, on va quand même pas se quitter comme ça, il y a encore plein de choses à se raconter. Il va être à un moment donné le temps de faire le bilan de cette saison, le bilan individuel, le bilan collectif. On va se donner des petites notes. Bref, on a encore pas mal de contenu à vous donner sur cette chaîne. Il y a aussi des petits contenus vintage qui vont arriver. On va vous raconter tout ça. Là, voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la saison est finie? Ou qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas évoqué juste avant? Eh bien, il y a un petit point, et on va essayer de commencer par voilà des bonnes nouvelles. Le carnet rose, c'est comme ça qu'on dit. Alors, le carnet rose, c'est pas Léon Rose, c'est pas Derrick Rose. Non, non, non. Enfin, quoique, je sais pas ce qui se passe chez eux dans leur foyer respectif. Mais non, c'est notre ami Josh Hart qui a eu, bah, à l'occasion de ce match 6, c'était ça, hein, le match à Miami, la naissance de jumeaux. Donc, le pauvre n'a pas pu pu assister voilà, à la naissance, mais il a pu faire ça par visioconférence. Ça va être un peu spécial. Mais ça fait partie de la vie d'un joueur NBA. Imagine, ouais, d'autres par qui, visio. Qui... Vas-y, ma chérie, allez, vas-y, pousse. T'inquiète pas, attention, je suis là. Il y a Bam qui arrive. Oh. Fais gaffe, il y a Foster derrière toi. Oh. Vas-y, rapprochez le téléphone, vas-y. Bon, tous les parents qui nous regardent savent ce que c'est que la joie d'accueillir des enfants. Là, des jumeaux, je sais pas, parce que moi, j'avoue, j'ai jamais eu de jumeaux, mais ça va être quelque chose. Donc, on souhaite tous nos voeux de bonheur à la famille Hart. Je sais pas comment ça s'appelle, ces petits jumeaux, mais je voilà. Crois que c'est Jonathan et Jennifer, je crois, mais je suis pas sûr. Jonathan et Jennifer, d'accord. Julius et RG, non. Enfin, Jalen et Bronson. Mais non, voilà, bref. Ouais, c'est peut-être aussi un élément qui a pu, pourquoi pas, perturber notre ami Josh, qui avait un peu la tête et les esprits ailleurs par moment sur certaines rencontres. Forcément, une naissance, des naissances de jumeaux, c'est pas rien. En tout cas, on leur souhaite tous nos voeux de bonheur à cette famille Hart. Et voilà, les Knicks, c'est une famille, la KNF, c'est une famille, et la famille s'agrandit, parce qu'il y a les bébés Hart maintenant qui sont là. Donc voilà, du cœur sur eux, du cœur sur eux. On est tonton. On est tonton. Tonton, tu portes les cabas. Ah là là, autre chose, et ben voilà, ce qui va arriver par contre, ça c'est ce qui est arrivé. Ce qui va arriver, c'est la loterie. Alors cette année, c'est une année un peu particulière, parce que l'Enix, finalement, la loterie, on s'en moque. Et oui et non, parce que peut-être qu'un coup du sort, un petit peu de chance pourrait venir. Ouais, ils ont fait le job, les planètes s'alignent pour récupérer un pic de draft. On a le pic de draft des Dallas Mavericks récupéré dans le trade d'un certain Kristaps Porzingis. Ça commence à dater. C'est une autre époque tout ça. Mais voilà, si les Dallas Mavericks ont pas de chance et voient leur place, leur spot rétrogradé en 11e position, ça revient dans l'escarcelle des Knicks. Si c'est sécurisé top 10, enfin ça reste dans le top 10, ça restera pour Dallas. Voilà, donc ça on va le savoir, c'est dans la nuit de mardi à mercredi je crois. C'est ça, c'est le 16. C'est le 16, alors je sais plus quelle heure précisément, est-ce qu'on va regarder cette loterie, je sais pas, hein. on est un peu fatigué de ces playoffs, on verra. Mais en tout cas voilà. C'était qui le coach lors du trade? C'était Fisdell ou Hornacek le code C'était Fisdell. Ah ouais, c'était Fisdell. Sacré David, Texas. Grand tacticien devant les mais ouais. Pourtant, il s'était déplacé en Lettonie pour voir Kristaps, mais ça l'avait pas tellement convaincu, cette histoire de tanking. C'est bizarre, parce que moi non plus. S'il était resté, quelle serait l'histoire d'Enix? On ne sait pas, il n'y aurait sûrement pas de jeu sur Dolls. Mais Randall, si, je t'assure, Barrett, je vais te faire jouer. J'ai une vision, je vais te faire jouer meneur. tu parles. Bref, j'ai eu une vision, Kristaps. C'est l'histoire ancienne, mais pas tant que ça, puisque effectivement, ce pic de draft va se jouer cette semaine. Bien sûr, beaucoup vont avoir une attention sur qui va gagner le first pick, qui va repartir avec Victor Wembanyama, notre Français. On suivra tout ça avec attention, mais côté Knicks, et nous, notre pic, il est important. Est-ce qu'on va récupérer pas un pick 11? Est-ce que les Knicks vont réellement drafter cet été? Est-ce qu'ils vont se servir de cet asset-là pour pouvoir le valoriser dans un package machin? Moi, j'ai une... Tu sais, la draft, ça c'est souvent le moment où tu as... Alors déjà, j'adore. Et puis, c'est... tu sais que j'ai déjà décalé des vacances pour regarder la draft. Enfin, bref. Ah, mais c'est vrai. Hein. Les gens sont fous. Madame n'était pas contente quand je lui ai dit non, mais attends 24 heures, parce que là, ce soir, c'est la draft. Bon cette année, tu peux les battre. C'est déjà arrivé. Ouais, non, ça va, on est large. Mais tout ça pour dire que souvent la draft, tu sais, c'est là où les équipes un peu bazardent, font des trucs, on se dit tiens, c'est un peu chelou, mais c'est souvent là où ça dump un peu, tu vois. Vu, Léon aime bien jouer des... Et justement, c'est ça que je voulais faire référence, c'est que Léon aime bien la draft pour dumper un peu. L'année dernière, Alec et Burks et Nerlens Noël sont partis contre une peau de banane et un Twix usagé, quoi, à moitié croqué. Qui dans le lot de la peau de banane et du Twix est Kemba Walker, mais bon, ouais, il y avait un peu de ça. On a eu des tours de draft, mais qui sont plus protégés que la Banque de France. Des trucs qui vont finir en second tour pourri, je sais même pas si. Enfin bref. On a dumpé, c'était pour récupérer et pour signer Jalen Brunson, ça on l'avait tous compris. D'entrée, on l'avait pigé. Mais cette année, alors notre tour, comme tu dis, il y a la bataille avec Dallas pour savoir est-ce qu'on va le conserver celui-là ou pas. Et on a notre tour qui est à Portland dans le cadre du trade pour Jalen. Josh Hart. Donc on leur a filé notre tour de draft. Bon, vu qu'on savait quand même qu'on allait normalement finir assez haut, on aurait un tour assez bas. On a quand même pas mal de jeunes dans l'équipe. Est-ce qu'il aurait été judicieux de, encore une fois, drafter un Trevor Keys ou je ne sais quoi? C'est ça, on a drafté Trevor Keys qui sortait de Duke ou North Mais Carolina, c'était je au sais plus, second j'ai un tour. doute. C'était au second tour, Ouais, mais Trevor voilà, Keys. mais au final, on l'a pas On utilisé, l'a on pas l'a pas vu. utilisé. Il est jeune, bon, Et l'année voilà, dernière, on n'a pas mais. drafté au premier tour. L'année dernière, on n'a pas drafté au premier tour. On avait récupéré des mecs qu'on a envoyés, qu'on a machin, qu'on a truc. On n'a pas drafté au premier tour parce que, bah, en même temps, On a ils pas n'auraient pas besoin. joué. Ils n'auraient pas On n'a joué. pas besoin. On a une Donc, équipe jeune en fait. On a une équipe jeune c'est et ça. On a des rotation jeunes qui courte. sont en plein développement, que ce soit Grimes ou IQ, même si je pense que Obi, il y a de fortes chances pour qu'il ne reste pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que attention à l'évolution de la présence de Evan Fournier, notamment pendant la draft. Et moi, c'est ma petite théorie. Moi, je pense un peu Attention, attention, roulement de tambour. comme les autres. Je pense que durant la draft, il va peut-être dégager. Alors, j'ai pas d'infos, hein. Je ne suis pas un insider Non, qui mais tu a rien. pressens quelque chose. Tu te Ouais, dis, c'est peut-être le moment où il y je me dis aura que matière. Ok, la cote ok. des vannes est pas ouf ouf, et pas terrible. Et que peut-être que durant la draft, tu sais, il y a souvent des opportunités, des choses musicales, il y a souvent des trades à trois qui se montent un peu bizarres. Et peut-être que, je pense qu'il ne faudra pas être surpris si durant la draft, on apprend que Evan Fournier fait partie d'un truc et qu'on récupère Ouais, deux second tours, tu sais, y a des pour un affaires des moment. fois comme ça, des trucs qui se Et font. qu'on. Je te file ma Fiat Panda et un paquet de chips et tu me donnes une trottinette électrique, tu vois. Ouais. Il peut y C'est avoir de ça. genre de C'est deal ça. et effectivement, il faudra peut-être être vigilant à ce moment-là. Et moi, je me dis que il est probable parce que à l'heure actuelle, Evan, je suis pas sûr qu'il intéresse beaucoup de gens. Je peux me tromper. Evan, si tu nous regardes, ça n'a rien On contre n'a toi, rien mais contre toi. mets-nous un Tu suis le commentaire et poster. dis-nous. Mets-nous un commentaire, dis-nous toi ton ressenti. Mais moi, je Ben, pense j'allais qu'à dire, l'heure vas-y, vas-y. actuelle et par rapport à la saison qui nous a sorti, et peut-être que voilà, pour l'instant, mais peut-être qu'un Evan libre intéressera plus de gens qu'un Evan à 18 millions la saison. Donc peut-être que il sera amené, surtout que ce sera sa dernière année de contrat. Bah, peut-être qu'on va récupérer un pick de draft ou deux dans cette histoire, ou Voilà, un tu sais, rookie. Ouais. genre deux second tours, un peu comme avait récupéré Orlando. Faut pas l'oublier que Orlando avait récupéré deux second tours de Boston pour Evan Fournier. Après, la situation était légèrement différente. Il était en fin de contrat. Voilà, donc c'était Voilà. plutôt un coup pour voir. Mais bon, là, il reste encore une Mais ce que je année veux, garantie et une année en ouais, option. mais. En même temps, vu comment sa cote est vraiment basse par rapport à Orlando, où il était le deuxième meilleur joueur après Vucevic. Donc voilà. Mais moi, je pense que soyez vigilants le jour de la draft qui est Ok. le 22 juin, il est Ouais, on a encore probable. un peu de temps. Voilà, c'est dans un mois. Mais il est possible que peut-être Evan bouge d'ici là. Moi, c'est mon petit ressenti qui va être dumpé un peu là durant cette soirée. Finalement, la DeLorean, tu l'as récupérée là. Tu Ben, reviens du futur, tu sais qu'il va se alors, passer un truc. Ok, voilà, ok, ok, ok. il faut que je vous le dise. Nom de Zeus. Non, non, Parti! non, non, non, non. Laissons un peu de suspense, ménageons le suspense, Oui, mais soyez vigilants. je vais pas vous dire maintenant Soyez que vigilants. Monty Williams arrive. Avec Bon, Janice. Ok, je vais pas vous ça, dire. on en parlera au prochain épisode. Voilà. Non, il va Voilà, falloir je vais qu'on pas parle vous aussi dire de. qu'on a monté la paire Giannis Embiid dans la raquette. Pas tout de suite, je vous laisse le. Est-ce qu'un nouveau Français va venir à New York? On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, il y a un élément qu'il va falloir aussi qu'on évoque, parce qu'on n'en a pas parlé, on a été très rapide, on a focusé sur les matchs, et effectivement, c'est ça qui était important. Mais la semaine dernière, il y a eu tout de même les All-NBA Team qui sont tombés, et au rayon de ces All-NBA Team, et ben voilà, on a encore un New York Knicks qui est présent, encore un, et qui c'est ce Knickerbocker? C'est Julius Randle. Pour la deuxième fois de sa carrière, il a été deux fois All-Star, il est deux fois All-NBA Team, alors ce coup-ci, c'est la third team. C'est pas Jalen Brunson, on a dit beaucoup de belles choses sur Jalen Brunson sur les playoffs, sur cette saison. C'est pas lui qui a les awards, qui a les distinctions, c'est Julius Randle. Alors bien sûr, les All-NBA Team, ça parle pour la saison régulière. Julius Randle a fait une bonne saison régulière. Ah, on va pas se Ah mentir, hein. non, 25, là oui. 25-10, voilà, il n'y a pas Ouais. beaucoup de joueurs dans la ligue qui tournent à ça. On aime ou on n'aime pas le personnage, Et on n'aime pas les bah. déclarations, on aime ou on n'aime pas le style de jeu, mais Je veux pas dire n'importe quoi non plus, hein. à un moment donné, voilà, ça a été reconnu qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette saison régulière, pas des playoffs. Et tu sais, il faut bien. On Julius précise les Randle. astérix. Julius Randle, donc c'est 77 matchs, 34, 35 minutes, 25 points, Donc 10 rebonds, 4 passes et 2,8 balles perdues. Donc c'est bien peu par rapport la production. À ce qu'on dit. C'est-à-dire, souvent, on a l'imaginaire de hyper tout le temps de ballon. Ça arrive. Par, il perd au moins 5 balles par match et compagnie. Non, il en perd un peu presque 3. En même temps, il a un jeu un peu des fois, c'est quand il rentre et qu'il ressort les ballons là, pour les copains. Bon, mais c'est quand même un mec qui a tourné cette saison à 25-10-4. C'est pas évident à trouver quelqu'un cette saison qui fait ce genre de production. Il a sa part de responsabilité dans la victoire des Knicks cette saison, dans la qualification en playoff. Et il a été un acteur important. Alors oui, je veux bien, on va me dire, ouais, mais tant que vous pensez ça, on n'avancera pas, tant que vous dites que Julius, machin. Mais on ne va pas dire que c'est un connard, parce qu'il faut dire que c'est un connard. on peut dire que c'est un mec qui a sa part de responsabilité dans le succès de l'équipe. Moi, j'ai ma théorie sur lui, on en parlera plus tard. On aura le temps, on va avoir le temps. Mais Julius Randle, c'est pas un joueur de G League, c'est pas un joueur de la Chinese NBA League ou je sais pas quoi. Julius Randle, c'est un All-Star, un All-NBA. Ok, d'accord, en playoff, ça te choque. Ok, d'accord. Mais en saison régulière, le mec est là. Si on finit avec à la cinquième place de l'Est, eh ben c'est parce qu'on a un Julius Randle qui a produit qui a été le meilleur marqueur de la saison des New York Knicks. Donc, Julius Randle, moi, je vais pas faire une sortie à la Jalen, à la Stephanie Smith. En disant, oui, machin, le projet est terminé. Peut-être, vous saurez ça, je vous tease, vous saurez ça au prochain épisode. Sur d'autres épisodes. Mais, je veux dire, en attendant, sa saison n'est régulière, n'est pas un échec. Et même, c'est au-delà de ça. C'est une très, par rapport à l'année dernière, c'est une très belle saison qu'il nous a sortie, quoi. Il a rebondi sur cette saison. Après, voilà, en playoff, on a vu qu'il n'était pas en capacité de produire la même chose. Mais il y a une production qui a été distinguée et soulignée par la Ligue. Donc voilà, il est All-NBA Team. Il y a un joueur des Knicks. C'est une façon de récompenser aussi. Alors c'est vrai que, voilà, on pourra dire, ouais, bon, les playoffs, est-ce que ça sort à ce moment-là. Moi, j'ai été plutôt surpris de voir un Jimmy Butler dans la dans la deuxième team, All-NBA seconde team, parce qu'il ne fait pas une grosse saison régulière. Et s'il est le hit est 8e et à la lutte pour le play-in, c'est aussi un peu pour ça. Mais voilà, Brunson aurait mérité, mais à la place de qui, c'est compliqué. Il y a des choses qui vont évoluer. Hein, la saison prochaine, il faudra au minimum 65 matchs pour pouvoir être éligible à certains awards. Et cette saison, du Butler, c'est pas 65 matchs. Du Giannis, c'est pas 65 matchs. Du Steph Curry, c'est pas 65 matchs. Donc voilà, si on avait enlevé tous ces joueurs qui ont un niveau de jeu excellent, bien sûr, faites pas dire ce que mais, j'ai pas dit. Mais après, pas autant de matchs joués que le strict nécessaire. Après, peut-être Il y aurait peut-être une opportunité pour se glisser là-dedans. Après, peut-être que JB a pas eu les honneurs qu'il a mérité, mais il a quand même sorti cette saison, vraiment, sa meilleure saison en carrière. C'est-à-dire que le type passe de 16 points à 24 points. Le mec passe de 4,8 passes à 6,2. Tu vois, on disait oui, c'est pas un playmaker le mec et tout machin. Et il faut voir aussi sur le match 5, il finit en double-double. Ah, on se passe, je crois. On se passe. Ouais. Après 48 donc, minutes, voilà. Donc 38 points, on se passe. 38 points, on se passe. Donc ouais. Et le mec nous a sorti. Alors, moi j'aurais pensé qu'il allait être le MIP parce que c'était quand même quelqu'un qui a, mais il a pêché parce qu'il a pas été All-Star, et c'est vrai que c'était ça un peu qui nous faisait peur. C'était oui, et puis le gap de stats entre une année et une autre, il était déjà pas si mauvais que ça l'année dernière à côté de Doncic. Là, il a progressé dans ses stats, mais pas aussi significativement par rapport carrière. À voilà. Voilà, la marge est moins importante. Mais il a été dans la discussion sur pas mal de awards. Mais je pense que les choses vont changer. Les choses vont évoluer, en tout cas, par rapport à l'année prochaine. Le regard des gens, l'appréciation de Brunson, ne serait-ce qu'avec cette nouvelle campagne de play-off qui est très très bonne, je pense qu'effectivement, ça va changer des choses pour la saison prochaine pour lui, dans son appréciation. Et si Eric Spoelstra disait « Mais je comprends pas pourquoi il n'est pas All-Star, ce mec », je pense que la saison prochaine, si ça se passe pas trop mal, il devrait être au rendez-vous des étoiles. Si on est top 8, parce qu'on a bien vu. On a eu des mecs qui étaient même en play, dans, enfin, qui étaient dans le range 9-10 qui ont été All-Star. Donc, si on est top 8, et même qui ont été dans la discussion du MVP, parce que Shai Gilgeous-Alexander a fini quoi, top 5, un truc comme ça, top 5 du MVP. Il est dans la All-NBA First Team aussi. Hein. Donc, après, il est très fort, mais à un moment donné, le résultat de l'équipe, moi je veux bien. Pour un mec qui est hors place playoff avant réforme, quoi. C'est fantastique. Enfin bref. Et moi je pense que si l'année prochaine on est dans le top 8 de l'Est avec un Jalen Brunson qui nous sort des stats voilà dans cette limite là, c'est-à-dire 24 points, 6 passes, moi je fais pas de doute qu'il sera All-Star. Il sera All-Star. Affaire à suivre. En tout cas, c'est sûr qu'on va attendre. On va avoir un peu de temps avant de retrouver la saison. L'année prochaine, il nous sort une saison à 32 points. Pourquoi pas. Ou alors, il se blesse et il fait saison à 12 points. Quoi. Bref, il peut se passer beaucoup de choses. Ça va très vite en NBA. J'ai pas envie de tomber dans ce scénario-là, mais il faut être prêt à tout. En tout cas, être prêt à tout, on le saura sur KNFTV. Voilà, ça, c'était le 57e épisode, le dernier épisode Have a Knicks Week. Mais pas le dernier épisode sur la chaîne, puisqu'on va revenir avec Have a Knicks Summer. Oui. Les petits épisodes estivaux, tous en maillot de bain. Certains vont militer pour voir Seb avec le slip sur la tête. Non, on va être en maillot de bain. Le slip, ça allait avec la victoire. Donc, pas de victoire. Là, on va mettre le slip de bain. Voilà, slip de bain derrière vos écrans. Bob, Ricard sur la tête. Et c'est parti pour l'apéro, quoi. L'apéro. Attention, apéro, formule déposée par... Déposée, pardon. Non, c'est parti pour l'after. mais voilà, non, on va rester vigilant. On va vous faire le retour sur l'actualité. Bien sûr, vous nous connaissez, on est présents sur les réseaux sociaux, on va être actifs. On aura nos avis sur les sujets, on aura un peu de coup de troll par-ci, par-là. On n'est jamais dans la hate, parce que c'est pas ça la définition de la maison KNF. On est dans l'amour, nous, mais on est dans l'interaction. On va suivre ce qui va se passer sur cette intersaison. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. Il va y avoir une période de bilan à faire. Et puis, on va vous proposer aussi quelques petits contenus sur la chaîne YouTube. Il y a la Knicks Tape. Oui, la Knicks Tape. On fait des choses comme ça aussi de la saison, la version longue, toute la saison, toutes les victoires, les bons moments, le meilleur du meilleur des Knicks. Et cette année, il y en a eu quand même. Ça, c'est déjà en ligne, c'est déjà disponible. Donc, si vous voulez le revoir, il y a matière. Il y a, je crois, à peu près 3 heures de vidéo. Donc, clairement, après, c'est chapitré. Si vous voulez revoir. Et un bonus, il y a la Sex Tape de Julius Randle en bonus. <T'es sérieux> Ouh là là là là. Ben, Madame Randle est sortie dans les réseaux en disant mais c'est normal qu'il m'a fait un bisou voilà à la fin du match 5. Hein, pourquoi ça avait fait débat, j'ai pas suivi. Oui, il y a des gens qui ont polémiqué sur le fait que Julius Randle a été tout de suite se diriger vers sa femme et son enfant à la fin d'un match. Si t'es compétiteur, t'es là, tu te bombes le torse et tout, tu montes les pecs, mais voilà. Ça, c'est chercher des conneries pour rien, quand même. Genre, le mec, il fait... En plus, il avait fait un bon match. Il va faire un bisou à sa femme qui regarde le match pour lui dire, il est soulagé, il est content. Et il y a des gens qui vont encore gueuler en disant, ouais, le mec, il va embrasser sa femme. Non, mais c'est quand même fou, pour être un peu... Avec Julius, des fois, voilà, on... Non, mais d'accord, mais il peut... Le raisonnable dans les réactions. Le mec, il peut embrasser sa femme parce qu'il est content de sa performance, et puis en plus, pour le coup, il avait fait quand même un bon match. Et t'imagines quand même, il faut avoir un niveau. Alors, soit, en fait, Julius Randle, il a des dossiers sur tout le monde. Cette sortie, à la base, vient de Kenyon Martin. Kenyon Martin, un ancien Nets, Knicks, un ancien joueur NBA, qui dit, voilà, moi, dans mon mindset, quand je suis dans un match qui est... à la vie à la mort pour éviter une élimination, le premier réflexe que j'ai à la fin, c'est plutôt d'être vers mes coéquipiers que vers ma famille. Mais il va ça peut s'écouter, après. S'entendre, mais bon, il va dans le vestiaire après avec ses copains, ils vont être contents, ils vont faire un cri de guerre ensemble. De là, essayer de polémiquer sur ça, bon, oh, ouais. Mais bon, il n'y aura pas la sextape, il n'y a pas de sextape, rassurez-vous, c'est une chaîne qui convient aussi aux enfants. Hein, il est là. Des fois, on a des mots qui nous échappent. Et voilà. Petit bonus track. Abonnez-moi à mon Twitter. Tu veux pas me laisser finir. Le mec tu veux qui craque, tu veux pas. Garde des trucs. Si on est 10 000 sur Twitter, voleur. Ça balance. Ça balance. Oh, tu vas monter en flèche, grave. Non, ce qui va arriver, c'est la Knicks Tape Playoff Edition. Donc voilà, il y aura la petite version bonus qui va avec. pour se remémorer les bons moments des playoffs, et il y en a eu. Donc ça arrive cette semaine, jeudi, parce que le jeudi c'est en mode TBT, en mode Throwback Thursday, le mode un peu vintage, et on va essayer de garder un petit peu ces bons souvenirs des playoffs, parce qu'il y en a eu quand même. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce 57e épisode, voilà, déjà, de Avenix Week. On la saison régulière. Très bientôt, la saison régulière c'est fini, terminé. Les playoffs aussi, on va pas se mentir, on a kiffé. Il y a des moments où on a ragé, il y a des moments où on a polémiqué, il y a des moments où on n'était pas d'accord. On sera jamais d'accord, je pense. On sera jamais tout le temps d'accord. Mais voilà, on vit ça avec passion, et c'est ça qui nous anime, et c'est ça qui va nous animer encore un petit bout de temps. Donc voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Continuez de regarder les playoffs. Hein, faut profiter du basket NBA tant qu'il y en a. Ah oui, surtout que. En commentaire avec le FC Procuration, qui vous voulez voir champion cette année? Nikola Jokic, le ancien MVP. Ah, moi j'aimerais bien. LeBron James et les Lakers. Hey. Jimmy Butler. Ou qui d'autre? Qui d'autre? Bah, Jason Tatum. Hein, qui est-ce que vous voulez voir dans toutes alors, ces alors le on hit, jugera pas. On jugera clairement pas. Le hit, clairement pas. Moi, maintenant, en situation de descente, puis tomber face au futur champion. Tu vois, c'est à toi, tu fais de Boston ton favori. Là, non, je dis si Miami était champion, on pourrait dire bon, on a perdu contre le futur champion. Voilà, ça permettrait de relativiser. Ah non, moi je veux pas que le Heat soit champion, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que Denver, Jokic, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est tellement facile ce qu'il propose, le Serbe. C'est tellement beau à voir jouer. Enfin, c'est décaf. Il est fou ce type-là. Que la série peut être vraiment sympa contre les Lakers. Et c'est vrai que j'aimerais bien que soit récompensé Nikola Jokic et que le titre n'aille pas à l'Est. Voilà, parce que s'il y en a une équipe qui doit avoir un titre à l'Est, c'est eux, c'est pas les autres. Donc voilà. J'aimerais bien, mais ça fait un moment qu'on l'attend celui-là, ce titre. Ah là là. Toi, t'as fait bon, qui alors? Ouais, je vais faire rager, je vais faire criser des gens. Mais il y en a certains qui le savent, et j'ai pas de souci avec ça. Moi, ma deuxième équipe de cœur, c'est les Lakers. Alors, je suis pas juste Lakers par rapport à LeBron. À la base, le joueur qui m'a bien fait kiffer, c'est Magic Johnson. Donc voilà. Mais ouais, ça pourrait faire une sacrée histoire, un sacré storytelling. Déjà, ne serait-ce que de retrouver les Lakers en finale NBA, parce qu'ils ont une saison quand même assez mouvementée, très mouvementée. C'est ça. Mais ils peuvent y être. Hein. Un peu incroyable. Et si on retrouvait le Miami Heat en face, ce qui est pas improbable, on aurait aussi un remake 7-8, un remake de la bulle avec le public, je sais pas. Voilà, mais si c'est un Lakers Celtics, il y a aussi l'histoire sympa à voir. Si c'est Denver qui va en finale, je crois que Denver a jamais été en finale, donc ça pourrait faire jamais. Aussi l'histoire. Donc voilà, on va regarder ça avec moins de favoris. Là, toi, tu fais ce qui t'est favori. Oh là là, c'est dur. J'ai peu regardé les autres équipes. Allez. Il est vrai que Boston était en finale la saison dernière. Voilà. Donc, mais Miami est revanchard. C'est compliqué, c'est très compliqué à dire. Voilà, une équipe qui va louper ses objectifs. Vous voulez chercher un saut pour te mouiller ou... Allez. Ah non. Non, bah, moi, ma deuxième équipe de cœur, elle est Lakers. Moi, je dis Denver. Je vais pour les Lakers. Toi, tu dis Lakers. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà. Après, je me suis trompé sur d'autres pronos. Voilà, on verra. La suite au prochain épisode, de toute façon. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Voisins du dessous, à très bientôt. On va faire le bilan. Ah ben, c'est... heureusement que c'est fini la saison régulière parce que vous foutiez le bordel. Hein. Donc, heureusement que c'est terminé. Ouais, ça va. ça suffit. On va redormir un peu, on va retrouver un peu de sommeil. Et puis, on vous redonne rendez-vous très vite. N'oubliez pas la cloche. Il se peut que ça soit lundi, il se peut que ça soit à d'autres moments. Mais en tout cas, on est fiers de Avenix Summer arrive. Ça bouge pas. Et un jour, on redeviendra champion. C'est sûr et certain. On redeviendra champion. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Et Avenix Week. Ciao, ciao. Salut.